Chapitre 6. Nous n'avions ni Baptiste ni moi les ailes invisibles d'Yves et Loury. Le crépuscule tombait, comme nous en étions encore à grimper le raidillon qui permet de joindre le chemin du Minilly, sans passer par la ville. Nous n'échangeions plus guère que de rares paroles. L'ombre invite au silence. J'éprouvais cette vague angoisse qui vous pénètre le cœur à mesure que la tristesse grise du soir envahit les choses, comme un mystérieux avertissement que tout doit finir. Soudain, au sortir d'une brèche, la silhouette, découpée sur le sol, d'un haut clocher solitaire et veuf de son église, se profila jusqu'à nos pieds. C'était la tour Saint-Michel. Nous nous attendions, certes, à la trouver là, debout sur cette échine de pays, dans son enclos jonché de ruines, mais l'apparition du fantôme de pierre fut si subite qu'elle nous impressionna comme une rencontre de mauvais augure. Machinalement, nous pressâmes le pas. Des corbeaux, perchés dans les trous de la flèche, croassaient pour appeler les retardataires de la bande, en secouant leurs longues ailes noires qui, dans l'atmosphère trouble du crépuscule, nous paraissaient démesurées. « Hâtons-nous, hâtons-nous !» murmura Baptiste. Celui fut une occasion, quand nous eûmes perdu de vue le clocher sinistre, de me raconter sa légende. Ceci se passait peu d'années après la mort d'Yves et Loury. Déjà les pauvres, ses protégés, avaient fait de son bourg natal un lieu de pèlerinage. Ils y venaient, comme aujourd'hui de toutes parts, en très grande dévotion, et ceux d'entre eux qui habitaient l'Armor traversaient nécessairement pour s'y rendre les terres de Saint-Michel. Or, Saint-Michel était, en ces temps, une espèce de villégiature de nobles. Les gentilshommes de Tréguier y avaient presque tous leur maison de campagne où ils s'installaient avec leur famille pendant la belle saison, depuis la mi-avril jusqu'au commencement d'octobre. Afin que leurs dames trouvassent la messe à leur porte, ils avaient édifié à frais communs une magnifique église qui, bâtie sur un point culminant, dominait de très haut les clochers d'alentour, y compris la cathédrale même, à laquelle elle n'avait, dit-on, rien à envier pour la splendeur. Et quant au desservant, il avait été stipulé qu'il devrait lui aussi être de grande race. Bref, on ne vivait dans ce terroir qu'entre seigneurs. On y menait d'ailleurs joyeux tapage. Ce n'était tous les jours que Dieu fait que chasses à cour, sonneries de trompe, bombances, beuveries, ripailles et ribaudailles. Vous pensez bien que ces gens-là n'avaient souci de Saint-Yves ni de ces pauvres. Lorsqu'ils virent que ceux-ci se mettaient à faire passage à travers leurs alliés et leurs champs, ils en conçurent de l'émoi. Laisserons-nous donc ce peuple en guenilles troubler nos plaisirs par le spectacle ambulant de sa misère? Conseil fut tenu. Et, à quelque temps de là, des crieurs firent à savoir dans les paroisses que les 20 ou 30 domaines 6 en Saint-Michel seraient frappés dorénavant d'un droit de péage et qu'il serait perçu un sou jaune par personne et par tête, faute du paiement duquel le délinquant encourait telle peine qu'il plairait à messeigneurs de lui appliquer. Exiger d'un va-nu-pied l'impôt du pièce d'or. Vous voyez ce que cela avait de drôle. Les 10 seigneurs rirent beaucoup de l'invention. Mais ce n'est pas tout de rire, si l'on en croit le proverbe. Il faut avoir chance de rire longtemps. Les gentilshommes de Saint-Michel en firent l'expérience, et elle leur coûta cher. 1 an, 2 ans, tout alla bien. L'édit avait porté. Les pauvres faisaient un grand détour et passaient au large. Saint-Yves, sans doute, n'était pas très content de cette façon d'en user avec les siens, mais attendait que le moment fût venu de manifester sa juste colère. Ce moment se présenta. Un malheureux aveugle s'égara un jour dans les sentiers prohibés, des gardes se saisirent de lui et l'emmenèrent devant l'assemblée des seigneurs. « Ah ah ! » s'écrièrent ceux-ci, « nous en tenons donc un ! Où allais-tu ainsi, vagabond ? À Saint-Yves, vénérable sire, puisse ses bontés être sur vous ? Tu as été pris traversant nos terres, tu vas payer l'amende. » Pour toute réponse, l'aveugle retourna ses poches qui étaient en lambeaux et d'où tombèrent seules quelques miettes de pain d'orge. Les seigneurs firent un signe aux gardes. L'instant d'après, on hissait le pauvre homme dans le clocher et on l'amarrait à l'arbre en fer de la croix au sommet de la flèche. « Prie Saint-Yves qu'il te rende la vue, lui dirent ses bourreaux. Tu es à la meilleure place pour contempler son pardon. » Il n'avait pas fini de parler que le ciel devint d'un noir d'encre. Une obscurité épaisse enveloppa le monde, comme au jour où mourut le Christ. Et du ventre des nues s'élancèrent des serpents de feu. En un clin d'œil, l'église, les manoirs, les bois, les cultures, tout fut dévasté, incendié, réduit en cendres. Seule la flèche fut épargnée parce qu'elle portait le corps martyrisé du vieillard. On dit même au sujet de celui-ci que des mains invisibles dénouèrent ses liens et qu'il se retrouva, sans qu'il sût comme, cheminant sain et sauf dans la direction du Minihi. Quant aux gentilshommes de Saint-Michel, il ne resta d'eux aucun vestige, si ce n'est leurs âmes qui, transformées en corbeaux, sont condamnées à voler sinistrement jusqu'au jour du jugement dernier autour du clocher solitaire. « Due da bardona da nanaon »« Dieu pardonne aux défunts » conclut Baptiste en se signant au front, aux lèvres et à la poitrine. Nous entrions dans le bourg du Minihi. L'ouverture de l'unique rue donnait sur une échappée de campagne, dévalant en pente douce vers la berge goémoneuse du Jaudy. L'eau de la rivière brillait au bas, d'une lumière froide, sous le calme firmament nocturne. Nous longeâmes le cimetière, où des pèlerins circulaient en silence. Par la baie du portail, le regard plongeait dans l'église, suivait une avenue de cierges qui allait se rétrécissant et comme s'éclairant à mesure. Où nous étions maintenant, il faisait très sombre. Des arbres au feuillage épais, des châtaigniers peut-être, formaient voûte au-dessus de nous, et les branches s'abaissant jusqu'au talus qui bordait la route, on marchait à tâtons comme dans le noir d'un souterrain. Tout à coup, des abois de chiens, un grand bruit de voix et la vive lueur d'une flambée d'ajoncs secs. Nous franchissions le seuil du manoir de Kervarzin. « Y aura-t-il logement pour deux pauvres de plus, s'il vous plaît ?» clama Baptiste d'un ton enjoué. La vaste cuisine était déjà pleine de mendiants, d'aucuns debout, adossés à la demi-cloison en planche qui garantit du vent de la porte le foyer des fermes bretonnes, d'autres accroupis un peu partout sur le sol de terre battue ou assis, les genoux au menton, sur un petit banc qui courait le long des meubles d'un bout à l'autre de la pièce. Aux paroles de Baptiste, un paysan, à la chevelure bouclée et grisonnante, à la mine joviale, se leva de l'âtre et s'avança vers nous. « As-tu jamais entendu dire qu'on ait refusé un pauvre à Kervarzin la veille du pardon de Saint-Yves béni » prononça-t-il avec une gravité souriante, sans ôter sa pipe de la bouche et en serrant la main que Baptiste lui tendait. « Il n'y a pas que les pauvres à être les bienvenus chez moi, » poursuivit-il, quand je lui offris la main à mon tour et que mon introducteur m'eût nommé. « Votre père a pu vous dire que chez le Yawan Koz, il y a toujours pour les amis une soupe aux crêpes chaudes et un franc verre de cidre. » Note Yawan Koz. C'est ainsi qu'on avait coutume de l'appeler par un jeu de mots auquel son nom prêtait. Yawank, en breton, veut dire « jeune ». Yawan Koz équivaut à « le jeune vieux ». Fin de note. Il avait les manières d'un gentilhomme, ce paysan. Je dus accepter son fauteuil de chêne à l'angle du foyer, qu'il y faisait bon devant la claire flamme qui montait, montait, illuminant toute la cuisine, balayant d'un rouge reflet les battants cirés des armoires, transfigurant la face des gueux, éveillant comme une joie d'être sur leurs traits flétris et dans leurs yeux morts. Au crochet de la crémaillère, une marmite énorme était suspendue. Lorsque la servante en soulevait le couvercle, il s'en échappait des jets de vapeur blanche et une succulente odeur de lard cuit se répandait dans l'air. La table était surchargée d'écuelles. Un garçon de labour achevait de les emplir de crêpes de blé noir qu'il rompait en les tordant entre ses poings. « Allons, gars !» cria le père Yawank. « La soupe est prête !» Comment rendre cette inexprimable scène qui vous rejetait en plein Moyen-Âge au fond de quelque cour des miracles ? Au silence relatif qui avait régné jusque-là parmi ces gens, harassés pour la plupart et heureux de se laisser engourdir au bien-être réchauffant d'une maison cossue, succéda brusquement un tumulte, une mêlée, une bousculade accompagnée de cris, de jurons même et de horions, tout le monde se précipitant à la fois vers la table et chacun s'efforçant d'attraper le premier son écuelle. Les infirmes surtout faisaient rage, fourrageaient avec leurs béquilles dans les jambes des valides. Un cul-de-jatte à demi écrasé beuglait, agitant désespérément un bras démesuré, terminé par une patte immense. Les aveugles trébuchaient, les mains en avant, roulaient leurs prunelles éteintes. Yawan Koz regardait ce spectacle avec sa pipe au coin des lèvres, tranquille, l'air amusé. « Maintenant, à tour de rôle, » commanda-t-il en barrant de son grand corps l'accès de la cheminée. « Quiconque fera du désordre passera le dernier. » Le calme se rétablit. La procession de la marmite commença. Les gueux s'approchaient un à un et présentaient leur écuellée de crêpes que la servante arrosait de bouillon. À la clarté de l'âtre, je les dévisageais. Oh, les étranges têtes que j'ai vues là! Celles-ci, grosses, gonflées, avec des meurtrissures bleuâtres, pareilles à des melons d'eau. D'autres maigres, d'une maigreur ascétique, visages pétrifiés de mort, toute la vie s'étant réfugiée dans la mobilité fébrile des yeux. D'autres, durs et frustes, aux énergiques profils de forbans. Il y en avait aussi d'exquises, j'entends parmi les femmes, d'une adorable mélancolie d'expression, d'une pâleur délicate et souffrante. Il me souvient d'une entre toutes, type pur de Madone. Une grâce mystique, répandue sur ses traits fins, je ne sais quelle suavité dans la démarche. On eût dit un être immatériel. Ses pieds nus, bronzés au soleil des grandes routes, effleuraient à peine le sol. Elle avait de longues paupières, de très longs cils. Quand elle passa près de moi, je vis qu'elle portait au cou des traces de scrofules. Je demandai son nom à Baptiste. « C'est une innocente. Elle est de Plumeur. Il paraît qu'elle tombe du haut mal et que pendant 6 mois de l'année, son corps n'est qu'une plaie. » On n'entendit bientôt plus que le bruit des cuillères de bois raclant le fond des écuelles. La soupe avait été avalée en quelques lampées. Le maître de maison, le Pentieges, s'agenouilla sur la pierre du foyer et se mit à réciter l'oraison du soir. Les mendiants donnaient les réponses, dans un bredouillement un peu confus, d'une voix ronronnante et ensommeillée. En face de moi, de l'autre côté de l'âtre, se dressait un lit clos, avec son ouverture étroite comme une lucarne et ses petits rideaux de percaline à fleurs retenus par des embrasses. Là, dit-on, Saint-Yves eut sa couchette de paille et son oreiller de granit durant la dernière période de sa courte vie, autant qu'il était official de Tréguet avec résidence à Kervarzin, dans sa demeure familiale. Bercé au fredon des prières bretonnes, ma songerie évoquait à l'autre soir de l'an 1292 où, peut-être à pareille heure, le bon saint, sur le point de prendre son repos, crut ouïr qu'on frappait à la porte. Il ne s'étonna point. Son manoir n'était-il pas une auberge, secourable à tous les sans-gîtes et à tous les sans-pains? Il ne lui vint non plus à l'esprit de héler sa vieille servante qui dormait. Non, il se leva lui-même et nu-pied alla tirer le verrou. Était-il bien sûr qu'il y eût un verrou? La porte ouverte, une bouffée de vent entra, une bouffée de vent froid, chargée de pluie, et aussi la plainte lamentable d'une ribambelle de pauvres gens échoués sur le seuil, pitoyablement morfondus. Vite, vite, mes enfants, je vais rallumer le feu, venez ça, je vous attendais. Certes, oui, il les attendait. D'où ils viennent? Qui ils sont? Combien ils sont? Que lui importe? Il me semble le voir s'agenouillant là, sur cette pierre où le père Yawank murmure les grâces, et soufflant cette braise qui s'éteint, comme faisait tantôt la fille de ferme, et y jetant comme elle à pleine brassée les gerbes d'ajoncs roux qui flambent clairs. Les pauvres gens se sont avancés, ils se sont assis sur les escabelles, aux deux coins de la cheminée, et leurs haillons fument à la douce chaleur, et leurs visages, ruisselants d'eau, tout bleuis de froid, s'éclairent et rayonnent, et leurs yeux échangent des regards qui disent qu'on est donc bien chez ce brave homme. Yves est allé au garde-manger, il a pris la tourte de pain blanc, un reste de porc et de bœuf salé, et il les apporte aux vagabonds pour qu'ils s'en régalent. Rassasiez-vous, mes amis, rassasiez-vous. Quand le pain, le porc et le bœuf ont été engloutis, le chef de la tribu nomade, un grand diable, à la peau cuivrée comme un zingari, tient au sein ce discours après s'être essuyé la bouche du revers de sa manche. « Oh, le plus vénérable et le plus discret des hôtes, je serais le plus ingrat des obligés si, ayant reçu de toi cet accueil, je ne t'apprenais dès à présent quelle est notre condition. Peut-être, quand tu sauras qui nous sommes, nous rejetteras-tu à la nuit ténébreuse et à la pluie glacée. Ta bonne foi, du moins, n'aura pas été surprise. Je me nomme Rivalon, Prisiaque aux confins de la Cornouaille et du pays de Vannes fut mon lieu de naissance. De mon métier, je suis jongleur. J'excelle à rimer les saunes d'amour et les chants de guerre. Je n'ai point mon pareil pour mettre en action les vies des héros et les légendes miraculeuses des saints. Celle-ci est Pantoada, ma femme, la compagne dévouée de ma longue misère. Elle joue de la viole et dit la bonne aventure. De plus, elle connaît les vertus des herbes et l'art de guérir par oraison. Enfin, elle s'est distinguée entre les 300 espèces de furoncles et en quelle fontaine sacrée il y a remède pour chacune. Ceux-là sont mes deux fils. L'un souffle dans le biniou, l'autre dans la bombarde. Ils ont la laine puissante et le doigté sûr. Quant à ces deux jouvencelles, mes filles, mais Yves a interrompu le jongleur. Il a vu qu'elles sont jolies, les jouvencelles, plus jolies peut-être qu'il ne sied à leur pauvreté. Et il a vu aussi qu'une rougeur subite vient d'empourprer leurs joues pâles. En vérité, homme, épargne-nous pour ce soir ces récits. Tes enfants, ta femme sont exténués. Toi-même, tu dois être bien là. Que la paix de Dieu soit avec vous dans votre repos. Sachez seulement que cette maison est vôtre tant qu'il vous plaira d'y demeurer. On sait qu'il leur plut d'y demeurer longtemps. 11 ans après, c'est-à-dire en 1303, époque de la mort du saint, ils y étaient encore. Note. Cet épisode de l'histoire de Saint-Yves a fourni à M. Tiercelin la matière de son beau poème « Les jongleurs » de Kermartin. Caillère, éditeur, Rennes. Fin de note. Chapitre 7. Les grâces terminées, Yawan Koz décrocha une de ces énormes lanternes que les rouliers ont coutume de suspendre à l'avant de leur charrette, et l'ayant allumée, il m'invita à le suivre. La cohue des mendiants s'ébranla derrière nous. La nuit était d'un gris d'ardoise, criblé de menues étoiles. Nous traversâmes la cour, les pas s'étouffaient dans le fumier mou dont elle était jonchée. Yawank tenait le fanal élevé au-dessus de sa tête, criait « Par ici, attention à cette mare !» Des portes s'ouvrirent dans des bâtiments bas, groupés comme les chaumières d'un hameau, et des souffles d'étuves nous frappèrent au visage. Nous étions auprès des étables, les mendiants y pénétrèrent à la queue leu-leu, sans bruit. On y avait étendu pour eux une litière de paille fraîche. Les plus ingambes grimpèrent à l'échelle qui menait au grenier des fourrages. Les vaches étonnées meuglaient doucement. Du dehors, on voyait aller et venir, tantôt dans le rez-de-chaussée, tantôt sous les combles, la grosse lanterne vigilante du vieux fermier. Il ne se fiait qu'à lui-même pour s'assurer que chacun avait son gîte. Admonestait celui-ci, installait celui-là, avait l'œil surtout à ce qu'il n'y eût point de promiscuités équivoques. En rentrant au manoir, nous trouvâmes Baptiste dormant, les coudes allongés sur la table. « Si vous désirez en faire autant, me dit notre hôte, voilà mon lit. Oh, vous ne m'en priverez pas, je suis de quart jusqu'à demain. Je connais de longue date les pauvres que j'héberge. Il n'y a pas de malhonnêtes gens parmi eux, mais il peut y avoir des imprudents. La tentation de la pipe est forte, et il suffit d'une étincelle pour causer un malheur. » Je vous demande en ce cas la permission de veiller avec vous. Katik, fais-nous un feu de purgatoire, qui nous réchauffe et ne nous brûle pas. Un peu de bois et beaucoup de mottes. La servante exécuta prestement l'ordre du maître, puis s'alla coucher. Nous restâmes seuls, assis de part et d'autre du foyer, les pieds à la braise qui couvait sous un épais amas de tourbe. Le silence était vaste et bruissait néanmoins. Comme si de tous les grands souvenirs dont cette demeure est pleine, y eussent tourbillonné en vol mystérieux. « Voyons, Yawank, commençai-je, est-ce vrai ce que l'on m'a raconté? Vous voulez parler du miracle de la soupe, n'est-ce pas? Écoutez-moi bien, je ne suis pas un savant, tant s'en faut, mais je ne suis pas un imbécile non plus. Non, là, franchement, je ne pense pas qu'il vienne à l'idée de personne de me prendre pour un imbécile. Or, ce à quoi vous faites allusion, je l'ai vu. » Vu avec ces yeux que j'ai dans la tête et qui sont ceux d'un homme qui voit clair. On a dit, je le sais, on a dit que j'étais sous, ce soir-là. Ce soir-là, en vérité, autant dire, ce soir, sous, avec 80 gueux chez moi, comme aujourd'hui, roulés dans la litière de mes étables et dans le foin de mes greniers, j'eusse donc été bête 3 fois. Du reste, voici la chose, très simplement, comme elle s'est passée. 18e jour de mai, la date où nous sommes. Toute la semaine, il avait plu à verse, sans discontinuer. Les chemins aux abords d'ici n'étaient que fondrières. Quant aux champs que traversent les sentiers de pèlerinage, l'herbe y nageait. Et le matin, il pleuvait encore. Et toute l'après-dînée, il plut à torrents. Ma ménagère, Dieu et son âme, car elle est morte depuis, se disposait cependant à apprêter le souper des pauvres dans le grand pot de fer, comme de coutume. « Oh, fis-je, si tu m'en crois, tu ne mettras au feu que la petite marmite. Par ce temps-là, nous n'aurons personne. » Je fus obéi. On ne mit au feu que la petite marmite, laquelle était à peine d'une capacité de 20 écuellées. À la tombée de la nuit, il avait paru 3 autres, des gens du voisinage. Nous les invitâmes à s'asseoir à table, avec nous, et notre intention était de les garder aussi à coucher dans la maison. Déjà la servante avait poussé les verrous. On s'était groupés autour de l'âtre, et l'on devisait paisiblement, en attendant de dire les grâces. Tout à coup, d'à haut, sur la porte. « Encore un, pensâmes-nous, à qui l'intempérie n'a pas fait peur, ma femme courut ouvrir. « Jésus-Maria ! » s'écria-t-elle en joignant les mains. « Comme il y en a ! Comme il y en a !» Nous vîmes entrer un flot de monde. Et après ceci, il en parut d'autres, puis d'autres encore. La cuisine fut bientôt pleine. Tous nos mendiants habituels étaient là, ceux de Plomeur et ceux de Trédarzec, ceux de Penvénan, du Trévoux et de Kermaria-Soula, et parmi eux beaucoup de figures inconnues, des pèlerins nouveaux venus du fin fond du pays, de Ploumilio, de Trédrez et même de Plestin. Ils faisaient pitié à regarder, trempés jusqu'aux os, avec des mines si lamentables. Ah, qu'un peu de bonne soupe chaude leur eût fait du bien! Et voilà justement qu'il n'en restait plus, quelques cuirées peut-être. J'étais furieux contre moi-même, mais aussi, est-ce que je pouvais prévoir? Les pauvres gens tournaient vers la cheminée des yeux ardents. Je me levai, je leur dis, il ne faut point nous en vouloir, c'est la première fois que ceci nous arrive. Il faisait un temps si affreux que nous ne vous attendions pas. Je le regrette de tout mon cœur, mais nous n'avons pas préparé de soupe pour vous. Une grande stupeur se peignit sur tous les visages. Il y eut un silence triste. Alors un homme se détacha de la bande. La buée qui s'élevait des hardes mouillées était si épaisse que je ne pus distinguer nettement ses traits. Il mit un pied sur la pierre de l'âtre, ôta le couvercle de la marmite, se pencha au-dessus et prononça d'une voix ferme et douce « Avec ce qui reste de bouillon, on peut toujours réconforter les plus malades. » Et ayant dit, il se retira à l'écart. Sa parole nous en imposa. Ma femme se mit à tailler les crêpes dans les écuelles et les pauvres de défiler devant le foyer, comme tantôt. La servante versait le bouillon à mesure. 1, 2, 5, 10 malheureux se présentèrent à tour de rôle. La marmite semblait inépuisable. 20 autres passèrent et puis 20 autres. La servante continuait à verser. Ma femme était devenue toute pâle d'émotion. Elle ne suffisait plus à sa tâche, si fort qu'elle se dépêcha. Un des valets dut lui venir en aide. Moi, j'éprouvais une sorte d'angoisse. Tous, nous avions le sentiment que nous assistions à quelque chose d'extraordinaire, de surnaturel, et nous retenions nos haleines, n'osant plus respirer. L'oppression du miracle était sur nous. Pas un pauvre, je vous l'affirme, ne s'alla coucher sans souper. Voilà ce que j'ai vu. Il y a de cela aujourd'hui 15 ans. Quand je cherchais des yeux l'homme qui avait parlé, il avait disparu. Je demandai qui il était, personne ne le connaissait. Une vieille dit, comme je longeais le cimetière du bourg, je l'ai aperçu franchissant l'échalier, et dès lors il a marché à côté de moi. 2 fois, il m'a tendu la main pour sauter des mares. Je crois bien qu'il portait une tonsure, car son crâne était tout blanc sous la pluie. Elle n'ajouta rien de plus, mais chacun demeura convaincu que le mendiant étrange n'était autre qu'Yves Loury, l'antique seigneur de ce lieu. Vous en penserez ce qu'il vous plaira. Mais je vous le répète, voilà ce que j'ai vu. Et beaucoup d'autres sont vivants qui pourraient en témoigner. Yawan Koz heurta sa pipe à l'ongle de son pouce pour en secouer la cendre et parut s'absorber dans ses souvenirs. Je m'abstins, il va sans dire, de toute réflexion. Baptiste ronflait sur la table, le balancier de l'horloge allait et venait avec de grands coups sourds, fendant l'heure, en quelque sorte, comme un bûcheron son bois. À force d'entendre ce bruit obsédant et régulier, je finis par m'assoupir à mon tour, la nuque appuyée au lit de Saint-Yves, le cerveau hanté d'hallucinations confuses, où des pauvres, amarrés à des flèches d'église, mangeaient de la soupe en des écuelles d'or. C'est dimanche. Les cloches du Minii égrènent de jolis sons clairs, le pâle sourire de l'aube argente le ciel. Groupés dans la cour, à l'entour du puits, les mendiants achèvent leurs ablutions matinales. Sur le toit du colombier, dans le courtil, des pigeons lustrent leurs ailes. Un garçon de ferme, les jambes nues, mène ses chevaux à l'abreuvoir. L'air est frais, léger, avec des transparences bleuâtres qui idéalisent toute chose. Rien n'a dû changer dans cet horizon depuis les temps où y vécut Saint-Yves. La rivière dort à marée haute en une nappe d'eau bondissante, encadrée d'arbres nains dont la chevelure baigne dans le flot. Des coteaux se succèdent et s'échelonnent et fuient tels que des houles de terre féconde, berçant des villages, des parcs, des vergers, de vastes cultures morcelées à l'infini. Dans la grise lumière des lointains, la silhouette du goëlo s'estompe délicatement, hérissée de pins grêles, aux panaches effrangés, et flottant comme la fumée d'un vapeur qui passe. à l'église. On vient de célébrer la basse messe. L'air est imprégné de l'odeur des cires ardentes. De minuscules navires, au gréement compliqué, pendent aux poutres. Des femmes prient, le front dans les mains. Beaucoup portent le manteau de deuil, d'étoffe noire, luisante, tombant à plis harmonieux. Quelques pèlerines, déguenillées, rôdent le long des murs avec de perpétuelles génuflexions et d'incessants signes de croix. Sur l'une des parois de la nef se lit le testament d'Yves de Kervarzin, où la paroisse du Minilly et les pauvres de toute la Bretagne figurent comme principaux légataires. Il fut transcrit là, dit-on, par les soins d'une pieuse demoiselle qui avait à expier un gros péché de jeunesse. Note. Celui d'avoir représenté la déesse Raison dans un cortège officiel à Tréguier, sous la terreur. Fin de note. Dans le cimetière, jouxte le grand portail, est une tombe sculptée d'aspect modeste et sans inscription. Une ouverture en forme de voûte la traverse de part en part dans le sens de la largeur. Les pèlerins s'y glissent en rampant sur les mains et sur les genoux. D'aucuns baissent à pleines lèvres la dalle funéraire. Quand ils se relèvent, ils ont la face souillée de boue, mais radieuse. Ils ont puisé à ce rude contact une sorte d'énergie sacrée. La vertu vivifiante d'Yves et Lourie a passé en eux, car c'est ici qu'ils reposent, n'en doutez point. C'est ici que repose l'ami des pauvres qui voulut être enterré pauvrement. Ici seulement se peut respirer le parfum de son âme douce, dans cette atmosphère embaumée d'odeurs champêtres et de salure marine. Les gens de Tréguier lui ont édifié dans leur cathédrale un magnifique cénotaphe. Là iront prier les riches, ceux qui recherchent le luxe et les beautés factices de l'art jusque dans les objets de leur dévotion. Mais la foule des humbles ne désertera jamais les petits sentiers du Minilly. Toujours on les verra serpenter en longues théories pieuses et murmurantes vers la colline ensoleillée que baigne le Jaudy et où la grâce, la mansuétude de Saint-Yves sont restées comme empreintes dans le paisible sourire des choses. Ici se termine Saint-Yves, le pardon des pauvres.